histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour et qu'on est là tout près de lui à regarder mourir sa vie. Une histoire d'amour où pour nous deux le mot toujours semblait trop court. Tu vois pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Non mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas pleurer sur moi. D'autres ciels, d'autres soleils.